De retour à Futur Simple sur CKRL au 89.1. Et pour faire suite à la chronique de Karine Gravel et au fait de porter un toast, peut-être avez-vous déjà entendu parler des Vikings buvant de l'hydromel dans le crâne de leur ennemi. Mythe ou réalité, il semble que l'on connaisse mal les Vikings qui n'étaient pas aussi violents que le laisse penser la croyance populaire. Alors Marie-Claude Dion nous apporte un peu de lumière sur ce peuple mal connu. Bonjour Marie-Claude. Oui, bonjour Valérie. Il semblerait qu'on connaît vraiment pas les Vikings, même s'ils font partie de notre culture générale, parce qu'on les voit au cinéma, à la télé, dans les BD aussi, et j'en passe. Mais récemment, on apprenait que les pillages Vikings n'étaient pas aussi violents qu'on pouvait le croire. Mais avant d'aborder le sujet, revoyons un peu nos connaissances sur ces fameux Vikings. Ben justement, d'ailleurs, et le mot Viking en lui-même, il vient d'où et il veut dire quoi? En fait, Viking, c'est un mot du vieux norrois, qui est une langue scandinave qui date d'à peu près du Moyen Âge. Et ce mot-là veut dire explorateur, pirate, scandinave et commerçant aussi. Et que cela étant dit, le mot Viking, c'est pas rassembleur comme une civilisation. C'est vraiment plus une sorte de culture, le peuple. On pourrait peut-être plutôt parler d'une civilisation scandinave qui, à peu près du temps de l'âge de fer tardif européen qui est à la fin du 8e siècle de notre ère jusqu'au début du 11e siècle. On va retrouver les Vikings principalement en Scandinavie, soit le Danemark, la Norvège et la Suède d'aujourd'hui, mais la présence de ces explorateurs-là sont observés dans les territoires des peuples germaniques comme la Grande-Bretagne à l'époque dans les régions qu'on appelait le Danelaw, la Mercie et York. Et ils auront étendu cette présence-là vers l'ouest et notamment plus au nord en atteignant les Shetlands, qui sont des îles britanniques situées près de l'Écosse. On a les îles des Orcades, les îles Féroé, qui sont à mi-chemin entre l'Écosse et l'Islande. Oui. Ils auront bien entendu atteint l'Islande. Oui. Ils sont allés au Groenland et même en Amérique, plus précisément à Anson Meadows, qui se retrouve à Terre-Neuve. Et ces preux scandinaves n'auront jamais conquis l'Europe à l'intérieur. C'est toujours par la mer, un accès par la mer. Par la mer quand ils vont dans les îles, mais quand on parle de l'Europe même, ils ne vont jamais en France profonde, ils restent toujours dans les marges. Ils s'arrêtent en Normandie, là, c'est ça. Exactement, ils restent dans les marges de ce pays-là, mais ils vont quand même s'y retrouver à quelques endroits et moments, et ils vont laisser une forte marque dans les différentes cultures de l'époque. Dans la vieille Angleterre, entre autres, les Vikings étaient reconnus pour leur propreté excessive. Tiens donc. En raison de leur coutume de se baigner ou de se laver une fois par semaine, et soi-disant, c'était toujours le samedi. Il faut donc un peu rire de la représentation contemporaine des Vikings où ce qu'on les voit sales, un peu sauvages et hagards. En fait, même sur les sites archéologiques, une preuve de cette propreté-là, c'est qu'on a trouvé des peignes, des pinces à épiler et des rasoirs. Comme quoi que les Vikings étaient préoccupés quand même par leur apparence. Ben oui, exactement. Puis une autre image qu'on se fait des Vikings, ils sont souvent représentés comme étant des grands hommes blonds, mais est-ce que c'était vraiment le cas? Je crois pas. Non? Parce qu'en fait, les ossements qu'on a retrouvés donne une taille moyenne d'aux environs de 5 pieds 7, qui n'est pas particulièrement grand, même à l'époque. Et pour ce qui est des cheveux blonds, les écrits laissent à penser que c'est un idéal à atteindre. Et on a même retrouvé un type de savon fort blanchissant, donc pour pâlir les cheveux. Donc quand même, si on avait les cheveux bruns, on voulait les rendre un peu plus clairs. Il faut savoir aussi que ces gens du Nord-là, quand ils allaient en Europe, ben, ils avaient tendance à prendre des prisonniers avec eux qui, éventuellement, se faisaient absorber au sein de la culture norroise. Donc, ultimement, le physique norrois, c'est un amalgame. Il y avait un métissage, finalement. Exactement, de tous les traits de physique de toutes sortes de nationalités. Et comme les Norrois se promenaient partout en Europe du Nord, voire même en Europe aussi plus au sud, sont allés jusqu'au nord de l'Afrique, il est difficile de croire qu'ils l'ont fait seulement de façon violente par le pillage. Et donc, si les Vikings n'exerçaient pas le pillage comme moyen de subvenir à leurs besoins, bon, ils s'implantaient finalement dans les lieux, qu'est-ce qu'ils faisaient à voyager à si grande distance? Bien, c'est ça qui est assez intéressant. On va mentionner la présence des Vikings scandinaves jusqu'à Bagdad, dans des vieux textes arabiques. Il serait plutôt insensé de croire que les Vikings se sont rendus là pour pour prendre la ville de Bagdad, la capitale en Irak. Par ailleurs, ces dix textes-là ne mentionnent pas les actes violents. Ils vont présenter les Vikings comme des commerçants. Mm-hmm. Un peu bizarre. Et d'ailleurs, ils vont dire que ces commerçants-là étaient sales. Donc, au contraire de ce que les Anglais à l'époque disaient. Il est quand même assez difficile d'attester la présence au niveau de l'archéologie, de la présence norroise dans ces terres-là en Irak. Je crois que c'est juste parce qu'on s'est pas encore intéressé à la question. C'est encore assez peu connu. Mm-hmm. Par contre, près de Oslo, en Norvège, des archéologues ont trouvé des pièces en argent, des pièces de monnaie arabes, mm-hmm. attestant ainsi le commerce. Alors, c'est qui les a ramenés? Est-ce que c'est les Norrois, les Vikings qui les ont ramenés, ou est-ce que c'était des commerçants mm-hmm. arabes qui allaient dans le nord? Ça peut être très bien les deux, les deux possibilités. Il y avait des échanges entre les deux, en tout cas. Oui, il y avait un lien. Ça, c'est sûr et certain. Et si on considère aujourd'hui les Vikings comme étant des guerriers ravageurs, mais c'est peut-être juste une petite partie de la population, parce que la majorité étaient des fermiers, des artisans et ultimement des commerçants mm-hmm. qui expliquent la présence là un peu partout en Europe et ailleurs dans le monde mm-hmm. des Vikings. Mais peut-être que cette idée du Viking violent et pillard vient aussi du fait qu'on les présente avec un espèce de casque à cornes. C'est quoi cette histoire? Oui, ça c'est peut-être un des plus gros malentendus sur les Vikings en ce moment. Ce qui est certain, c'est que à cette date-ci, à la fin 2014, on n'a toujours pas retrouvé de casque à cornes sur les sites archéologiques de Vikings. Parce qu'on a trouvé des casques au moins. On a trouvé un casque. Et je vais insérer ici une petite mention qu'en matière de Vikings, les fouilles archéologiques ont apporté la plus grande contribution pour le moment à la compréhension de ce monde-là très mystérieux. Parce que les seules inscriptions qu'on a Vikings, c'est des pierres runiques. C'est un petit monument en pierre et inscrit avec des runes dessus. Et on en trouve d'ailleurs plus de 3500 seulement en Suède. Donc, il y en a mm-hmm. vraiment partout. Sauf qu'elles sont souvent brèves, laconiques, et elles ne fournissent pas beaucoup d'informations mm-hmm. au final. Et d'ailleurs, les casques à cornes ne sont pas attestés ni contredits mm-hmm. sur ces pierres runiques-là. Mais si on regarde toutes les représentations qu'on a imagées de l'époque de ces casques vikings-là, il y en a aucune qui est montrée avec des cornes. Et le seul casque qui a été retrouvé pour le moment, il est en cuir seulement. Il n'y a absolument rien mm-hmm. qui porte à croire mm-hmm. qu'il y avait quelque chose dessus. Ben alors, d'où vient cette idée? Parce qu'il n'y a jamais de fumée sans feu. Oui, alors il faut que ça vienne de quelque part. Il y a une explication qui dit que pour ce mythe de casque-là, ça pourrait provenir des chrétiens à l'époque qui habitaient l'Europe et qui étaient souvent sujets aux attaques des Vikings. Et peut-être pour rendre le look des Vikings un peu plus barbare et païen, ils ont rajouté des cornes sur le casque pour faire un petit lien avec Satan. Rappelons aussi que les représentations du dieu nordique Thor, mm-hmm. sur son casque, il y a des ailes. Donc, ça peut-être aussi porter à confusion parce qu'on peut, mm-hmm. ça ressemble un peu à des cornes. Si c'est pas très bien figuré, ça peut, exactement. Ça peut se confondre. Ça ressemble un peu. Et il y a les Grecs aussi et les Romains, plusieurs siècles avant l'arrivée des Scandinaves, qui parlaient de peuples nordiques qui avaient des casques avec des cornes et des bois de cervidés. Donc là, on parle vraiment de plusieurs siècles avant l'arrivée mm-hmm. des Vikings. Sauf que ces casques-là étaient probablement portés juste pour des cérémonies. Donc, c'était vraiment pas quelque chose d'usuel. Mais grâce aux écrivains et aux artistes de l'époque moderne qui se sont basés sur les dits de ces auteurs-là de l'Antiquité, qui ont fait des rapprochements un peu mal informés, mais on en est venu à avoir, nous, en ce moment, mm-hmm. des guerriers vikings avec des casques, avec des cornes. Mm-hmm. Donc, pas de casque à cornes. Non. Est-ce qu'il y a d'autres mythes à éclaircir à propos des Vikings? Ben, en fait, on l'a dit, les Vikings ont pillé à l'occasion des villes et des villages. Ça, c'est sûr et certain, c'est attesté par des écrits. Les églises là, donnaient toujours des petites... du genre de petites nouvelles comme quoi qu'ils avaient été pillés. Puis on doute qu'ils pouvaient en profiter pour prendre des femmes. Mais récemment, les études sur l'ADN viking proposent que les femmes norroises ont été incluses à l'intérieur des expéditions. Ceci, en fait, va confronter l'idée qu'il y avait du pillage et ajoute l'idée qu'il y avait une colonisation mm-hmm. intentionnelle et organisée aussi. Les groupes vikings partaient pour trouver un endroit meilleur où s'installer et ne prenaient aucunement part à du pillage ravageur pour s'installer à un nouvel endroit, mais plutôt s'y installait de façon paisible. Mm-hmm. Des études génétiques sur la population d'aujourd'hui indiquent une large proportion des descendants d'hommes norrois en Islande et sur les îles Féroé. Ça suggère que les premiers colons scandinaves ont amené avec eux des femmes d'origine gaélique et non pas des femmes norroises. Mais là, reste à savoir pourquoi. Mm-hmm. Parce qu'au contraire, sur les îles près de la Scandinavie, on va retrouver une proportion égale d'hommes et de femmes scandinaves, donc norrois. Et après tout, ça, c'est attesté par les sources historiques comme les sagas vikings, parce qu'ils vont vraiment parler de la présence de femmes et voire même d'enfants lors des expéditions. Mm-hmm. Ils étaient vraisemblablement des agents assez importants pour le processus de migration et d'assimilation. Ouais. Et donc, aujourd'hui, on peut dire que ces migrants scandinaves ont largement contribué au pool génétique des habitants là où ils arrivaient. Exactement, ouais. Du nord d'accord. de l'Europe. Et est-ce qu'on a d'autres découvertes? C'est intéressant d'étudier les Vikings à travers leur génome. Est-ce que ces génomes ont révélé d'autres surprises? Oui, en utilisant l'ADN mitochondrial, qui est les données héritées par la mère, prises à partir d'os archéologiques, des chercheurs ont démontré que la composition des lignées maternelles a considérablement changé dans l'Islande. Dans le dernier millénaire, entre autres, on a vu disparaître complètement des lignées, des familles. Oui. Et ceci est toutefois quand même cohérent avec l'histoire démographique qu'on connaît de l'île, dont la population a été soumise au genetic bottleneck, qui est le goulet d'étranglement de la population. Donc, c'est une population qui va disparaître suite à un événement, probablement d'origine environnementale, le cas d'Islande, mm-hmm. parce qu'on connaît les conditions assez difficiles en Islande, oui, surtout assez isolé, auparavant. Puis pas forcément de moyens d'avoir un afflux de population extérieure, peut-être pour renflouer le bagage. Là. Exactement. Et en définitive, les Vikings étaient des gens curieux de nature. Ils ont parcouru le monde afin, entre autres, mm-hmm. de commercer, de l'explorer, mais aussi de le conquérir à petits pas. À leur façon, ils ont fait de ce monde un endroit plus petit en voyageant de si longues distances. C'est vrai. Puis c'est vrai que c'est quelque chose auquel on ne pense pas, le rôle des Vikings dans le développement du commerce, probablement en allant jusqu'en Afrique du Nord, en Irak ou autre. Donc, il y a dû y avoir des échanges commerciaux qui se sont faits. Exactement. Peut-être qu'on va regarder les Vikings d'un autre œil et qu'on rira maintenant quand on les verra un peu caricaturés dans certains films ou bandes dessinées. Merci beaucoup, Marie-Claude. Merci. On passe maintenant en musique sur les ondes de CKRL au 89.1.